Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Un monde en plastique, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a les sacs plastiques multicolores qui roulent sur les plages et puis cette culpabilité de la jolie paille bicolore qui était une partie du plaisir du cocktail estival et qui désormais fait s'étouffer les macareux. Parce qu'à un moment, tout était devenu jetable. Alors pour commencer, les personnages. Un chimiste qui raconte, un économiste qui déroule, un DG qui veut une solution, un PDG qui emballe, un auteur qui vagabonde, un technicien aux manettes et une philosophe qui épluche les discours. Ensuite, le décor. Les premières grandes surfaces, le marketing, du léger, du solide, du pas cher et de l'imperméable, l'urbanisation, des cabas, des filets à provisions, des déchets, la mer, des faux airs de méduses, des tortues, une usine, des polymères, du biodégradable et des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, 3e épisode, on est au cinéma. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Juste un mot. Oui, monsieur. Vous écoutez ? Oui, oui, j'écoute. Plastique. Qu'entendez-vous juste par là ? Il y a de l'avenir dans les plastiques. Pot de yaourt, bidon, bouteille, engrenage, outillage, bâtiment, prothèse, médecine, ameublement, sport, loisirs, gadgets, bagages, carrosserie, électronique, optique, téléphone, chemise, cravate, chaussures synthétiques et même visage de rechange. Qu'est-ce qui n'est pas en matière plastique aujourd'hui ? Un monde en plastique, le triomphe du jetable, par Somani Na et Alain Lefkovitch. Industrialisés et commercialisés depuis la dernière guerre mondiale, les matières plastiques ont insensiblement envahi tous les domaines de notre vie quotidienne, à un tel point que notre habitation de demain sera peut-être une bulle de plastique ressemblant à un vaisseau cosmique venu d'une autre planète. Ces matériaux de synthèse, sortis tout droit des laboratoires des terriens, ont connu un formidable essor dans le secteur particulier de l'emballage qui représente aujourd'hui près de 25% des débouchés de la profession. On a, en tout cas, dans les pays occidentaux, des modes de vie qui se sont modernisés, mais aussi se sont accélérés. Richard Thomeret, chercheur chimiste chez Solvay. Et qu'il faut qu'aujourd'hui, on cherche des choses efficaces, rapides, on veut tout, tout de suite, pas cher. Du coup, les matières plastiques se sont développées parce qu'elles rendaient tous ces services-là. Il est clair que si on va visiter une tribu de gens en Amazonie, on va pas trouver de plastique parce qu'en fait, ça correspond pas à leur façon de vivre. Madame, je vous demande pardon. Comme des centaines de ménagères, vous faites votre marché le dimanche matin. Que pensez-vous de cette formule nouvelle ? Je trouve que c'est formidable. Je travaille toute la semaine. Ça permet de faire les courses le dimanche matin, tranquillement. C'est une détente, en somme. Il y a la qualité. C'est très pratique puisqu'il y a beaucoup de rayons, on peut faire en quelques instants, pas quelques instants parce que c'est très grand. Et puis en plus avec un parking comme celui-ci, les chariots, ça permet d'accéder à la voiture sans porter de sac, enfin c'est très très bien. Ben oui, il faut se reporter, ouverture du premier supermarché, ça va devenir un hypermarché. Philippe Chalmin, historien, économiste des matières premières à l'université de Paris-Dauphine. Le premier Carrefour est ouvert en France en 1962 à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est une double révolution. Il y a eu la révolution du libre-service, mais là c'est une révolution dans laquelle on se situe en banlieue. Et donc, on va faire ses courses avec la voiture. Donc, vous voyez, on est dans un univers très moderne. Donc, on va en voiture, on se garde dans un grand parking. Et puis, on va faire ses courses. Alors, on a bien entendu des grands des caddies. Mais il est clair que pour emballer tous ces produits, on va utiliser des sacs plastiques. Donc, je dirais que le sac plastique, en plus par sa facilité d'utilisation, va être tout naturellement utilisé. Je pense par exemple aux sacs dans les commerces, dans les supermarchés notamment. Les proposer en papier, c'était logique parce que ça existait avant. Mais quand ils se sont aperçus qu'en fait les fers en plastique les rendaient bien plus performants et résistent à l'eau, ils peuvent porter les 5 kilos de pommes de terre que le sac en papier ne peut pas, etc. Donc ils s'aperçoivent qu'il y a des fonctionnalités qu'apporte la matière plastique que le papier n'offre pas. Les aspects et besoins de la vie moderne exigent automatiquement une industrie moderne. Une industrie qui sait s'adapter et orienter ses activités dans des voies résolument nouvelles. Une industrie dont l'évolution reste constamment dynamique. Ici, à Flixecourt, dans la Somme, la preuve, parmi tant d'autres, que l'industrie française ne compte nullement se laisser dépasser par une évolution rapide des besoins et des techniques. La compagnie industrielle des textiles et emballages plastiques a été constituée par l'association des quatre plus importantes sociétés françaises de l'industrie du jute et se consacre à la fabrication de films et de sacs et sachets en polyéthylène. Il s'aperçoit aussi que c'est vraiment pas cher. C'est 2,5 grammes. Donc c'est vraiment pas cher. Pourquoi s'en passer? Du coup, il le donne. Erreur, fallait le vendre. Bon. Donc vraiment quelque chose de très, très facile, pas cher. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté, vous le prenez. Monique, comment va? Bien. Juste un petit minute, un petit cours et on se retrouve au caisse. Oui. Isabella, juste un petit cours, on se retrouve à la sortie. Hein? Aldo! Aïe, aïe, c'est la fin. Bon. Voilà. Monique, Isabella, Isabella et Monique. Champagne pour ce soir. C'est bien Carrefour, hein? Carrefour, c'est bien. Carrefour? Carrefour, c'est bien. Le sac va être un formidable outil de communication. Absolument. Là aussi, je peux mettre ma marque. Donc, toutes les chaînes naissantes d'hypermarchés, bah, les premiers vont mettre le Carrefour, Euromarché, Montlore. Enfin bon, c'est aussi l'époque où l'on passe de l'annonce à la publicité. On rentre dans cet univers vaste qui est celui du marketing. Donc, finalement, le plastique... je vous l'ai dit, les inventions remontent aux années 30-40, mais il va surfer sur une vague qui est celle, dans un premier temps, de l'évolution du mode de vie des Occidentaux durant les Trente Glorieuses. Et puis ensuite, il va largement profiter de la même évolution du mode de vie, mais lié aussi à leur accéléré en plus par l'urbanisation dans les pays du tiers-monde. Alors c'est vrai que c'est sur l'emballage que le plastique nous touche vraiment au quotidien. Alors j'avais trouvé un chiffre de l'ONU, je ne vais pas aller vérifier, qui estimait qu'on utilisait dans le monde 5000 milliards de sacs de plastique, ce qui voulait dire qu'on en utilisait 10 millions à la minute. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Mais alors, ça a du sens, Philippe Chalmin, ces chiffres? Bah, vous savez, de toute manière, il faut toujours relativiser l'extraordinaire précision des chiffres et des statistiques. Plus on vous donne des chiffres précis, moins la réalité l'est. Donc, quand l'ONU estime 5000 milliards de sacs de plastique, bon, ça donne un ordre de grandeur et il ne faut pas demander plus. C'est vrai, ceci étant, que cela pose un problème et ce problème, il est que, bien entendu, nous avons au fond, et ça c'est un peu le paradoxe du plastique, enfin, dans sa fonction emballage. Le panier, le cabas, le filet de la ménagère est plus qu'un objet usuel généralement laid. C'est un symbole et un instrument de mesure. Il symbolise le bien manger, ce chapitre de l'art de vivre auquel les Français attachent une juste importance. Il mesure la satisfaction ou le mécontentement populaire. C'est pourquoi les démagogues aiment à le faire danser. C'est pourquoi les ministres successivement en place depuis des siècles surveillent son poids et la qualité de ce qu'il contient. Alors ça raconte une époque, le sac plastique, c'est la fin du cabas, j'imagine que vous vous souvenez, quand vous étiez petit, votre mère avec son cabas en tissu tressé. Je m'en souviens d'autant plus que la société s'appelle la société Schweitzer, autrefois. Louis Leblanc de la société Schweitzer. Cette société faisait du sac cabas, effectivement, tressé, qui était dans les années donc 50, tressé dans les Vosges. Et aujourd'hui, on est passé ensuite sur des sacs plastiques. Et maintenant, on est sur des sacs bioécologiques. Alors, il est toujours possible de revenir au sac de nos mères et nos grands-mères. Et hélas, aujourd'hui, les gens veulent quand même des prix compétitifs. Et je ne pense pas qu'ils seraient d'accord pour acheter des sacs relativement chers, surtout étant fabriqués en France. On a des coûts de main-d'œuvre qui seraient élevés et je ne pense pas que ça serait un produit qui conviendrait. Et ces fameux filets, puisque c'était des filets à provision, on pouvait mettre que peu de choses dedans. On mettait de mes souvenirs d'enfant, on mettait des litres, on mettait des bouteilles de lait, tout ça. Donc aujourd'hui, ces sacs-là ne sont plus totalement adaptés au format qu'utilisent les personnes pour mettre beaucoup plus de choses dans leur sac. Avec 8 jours d'avance sur Paris, Grenoble a lancé depuis mercredi son opération anti-hausse. Avec la vente dans la plupart des magasins à succursales multiples, des supermarchés et des épiceries, de cabas à 5 et 10 francs. Ces paniers contiennent divers produits de consommation courante au choix de la ménagère. C'est ainsi que celle-ci peut acquérir pour la somme de 5 francs, je vais vous citer un exemple, 5 kg de pommes de terre, 500 g de pâtes, 500 g de riz, 125 g de chocolat à croquer et soit un camembert, soit une boîte de petits pois. Cette expérience sera étendue le 1er octobre à l'ensemble du département de l'Isère. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus confortable aujourd'hui d'avoir son sac en plastique à usage unique. Jean-Claude Lumaret, directeur général de la société Carbios. Mais avec des technologies comme on les propose, c'est-à-dire que après usage, ils généreront aucun déchet, ils ne seront pas une tare pour l'environnement, mais néanmoins, pour leur praticité, ils vont vous permettre de vous ramener votre salade, soit-elle, je dirais, bien mouillée ou d'autres produits, je dirais, humidifiés, que le papier ne permettrait pas de faire. Donc, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous prenons conscience de quoi j'ai besoin, pas m'interdire éventuellement, je dirais, de recourir à des matériaux plastiques quand son usage, je dirais, a bien évidemment, je dirais, moult avantages, hein, de transport, de poids, etc. Mais évidemment, en ayant comme focus et comme objectif unique que ça ne génère pas de déchets. C'est-à-dire, fondamentalement, ce que Carbios a eu pour leitmotiv à sa création. Tout ça, je veux dire que... mais ça fait déjà pas mal de temps que la grande distribution y réfléchissait. John Persanda, PDG de la société Sphère, spécialisé dans les emballages ménagers. Souvenez-vous que Leclerc, lui, s'était lancé il y a très longtemps, une quinzaine d'années, en disant « j'arrête tout, maintenant je fais des sacs réutilisables et je les rachèterai. S'ils sont en mauvais état, je donnerai un sac gratuit ». Donc la conscience était prise de ce côté-là. Et je crois que, même chose avec les sacs fruits et légumes, les sacs fruits et légumes, c'est à peu près 15 à 20 000 tonnes de sacs très fins, de 9 microns, qui étaient toujours en polyéthylène et qui étaient un danger à partir du moment où vous avez simplement une centaine de tonnes qui se baladent. C'est rien du tout, hein, c'est 0 et quelques%. Et se baladent. Aujourd'hui, les sacs sont biocompostables d'une manière domestique, donc ces sacs disparaîtront de toute façon. Deuxièmement, il y avait un problème sur ces sacs aussi très fins, c'est qu'ils n'étaient pas recyclés et pas recyclables parce que trop fins et trop difficiles à recycler. Donc autant, je dirais que les sacs poubelles qui ont une certaine épaisseur, eux, sont recyclés et recyclables depuis longtemps, mais sont les sacs beaucoup plus épais. Lorsque les sacs sont très très fins, à ce moment-là, premièrement, ils volent et deuxièmement, ces sacs se retrouvent dans la nature. Ils sont partout, même sur les plages, difficile d'éviter les sacs plastiques. Selon Ifremer, il y en aurait 120 millions sur le fond du littoral français. Alors, dans les centres Leclerc de 3 départements, dont le Finistère, on tente une expérience. On ne fournit plus de sacs aux caisses. Pour emporter ses achats, Leclerc propose un sac plus volumineux, recyclable, consigné 1 franc, que l'on peut échanger lorsqu'il est usé. Mais libre à vous d'apporter votre vieux cabas. En France, les sacs poubelles jetés dans la mer peuvent avoir d'autres conséquences que la pollution. Ils se transforment en pièges mortels pour certaines catégories d'animaux, particulièrement pour les tortues. L'une d'entre elles vient de s'échouer sur une plage près de Royan. Reportage David Bazier, Frédéric Debrieux. Les tortues marines sont protégées depuis 1991, mais les sacs plastiques abandonnés par l'homme en mer ressemblent à s'y méprendre aux méduses, la nourriture de ces reptiles océaniques. Le laboratoire de l'aquarium de La Rochelle constate les dégâts. On ne sait pas si l'espèce est menacée, mais le constat est clair, quelques grammes de plastique jetés à la mer, et c'est une tortue de 300 kg en danger de mort. Qui est responsable de cette pollution? Celui qui fabrique le matériau de base? Celui qui produit l'emballage? On vous reproche de faire un matériau qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que la nature n'avale pas, ne digère pas facilement. Pourquoi? Eh bien écoutez, monsieur, dites-vous bien que nous avons mis beaucoup de temps à étudier des matériaux qui ne se dégradent pas. Cet emballage, il a fallu le trouver. Il faut qu'il soit de plus en plus protecteur, de plus en plus résistant, de plus en plus léger également. Et la matière plastique est intervenue pour participer à ce service qui consiste à apporter aux consommateurs des matières de plus en plus modernes pour lui permettre de protéger les aliments, de protéger les autres produits qui font le bien-être de la vie. Et c'est pour cela que nous avons étudié des matières résistantes. Ce n'est donc pas un défaut d'être résistant, nous pensons avant tout que c'est une qualité. Il s'agit de remplacer les sacs plastiques à usage unique qui entraînent des pollutions marines, de les remplacer par des sacs compostables ou biodégradables, ce qui va permettre de créer des emplois dans les filières vertes de la production de sacs biodégradables. Donc on les interdit. Voilà, mais ça n'empêche pas les grandes surfaces ou les commerçants de donner des sacs qui sont réutilisables. Je pleure en épluchant des oignons, mais désormais, grâce au système D que nous ont envoyé nos téléspectateurs, je ne pleurerai plus. Monsieur Pierre Châtelain de Douvaine nous recommande d'utiliser un sachet en plastique transparent dans lequel vous pourrez peler vos oignons en voyant ce que vous faites, mais sans pour cela être incommodé. À usage unique, en fait, on n'en sait rien. Après tout, c'est vous qui définissez l'usage que vous avez de votre sac. Pascal Desrousseaux, écrivain. Et naturellement, rien ne vous oblige à aller jeter ce sac n'importe où. D'ailleurs, c'est même une faute de goût, avant même d'être une faute morale, d'aller jeter son sac n'importe où. Quand on porte ce sac toute la journée, on ne le jette pas, en tout cas pas comme ça. Et on pourrait même dire qu'au fond, il y a eu une sorte de boulimie de sac plastique à une certaine époque, mais une boulimie sans amour. Et en fait, le sac plastique, il meurt peut-être justement d'un manque d'amour à son endroit. Au nom de quoi avons-nous jeté ces sacs un peu n'importe où? Sacs qui, après tout, étaient des objets neutres. Hein. C'est nous qui en avons fait un instrument du mal, alors même qu'un petit homme tout à fait raisonnable peut se comporter assez justement avec son sac plastique. Moi, mon personnage, si vous voulez, fait assez peu les courses. C'est pas quelqu'un qui a des gros besoins. Donc, on peut pas dire qu'il accumule du sac plastique. C'est simplement qu'à un moment donné, il a reconnu qu'il y avait eu une invention humaine, comme il s'en produit de manière régulière. Et cette invention humaine vient à lui, et assez naturellement, c'est une invention qui se colle à son personnage. Ce personnage n'est pas, en tant que tel, un consommateur. C'est pas quelqu'un qui a un attrait pour les marques, typiquement. Simplement, il voit une matière, une non-forme qui convient à sa personne, avec une identité de personnage qui est aussi, d'une certaine manière, un tout petit peu informe. Donc finalement, voilà, il y a une sorte de jumelage assez naturel qui se fait entre ce personnage et puis ce sac. Qui a inventé le sac plastique? Il n'y a pas d'auteur du sac plastique, il n'y a pas de label, de marque autour du sac plastique. C'est un objet qui est très anonyme, alors qu'il est fabriqué par des machines ou par des gens. Il n'y a pas de signature derrière le sac plastique. C'est vraiment le non-objet par excellence. Et c'est ça qui est assez merveilleux. C'est qu'il vient, après tout, d'une certaine manière, un peu de nulle part. On le reçoit et puis petite histoire, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ici, c'est notre extrudeuse qui nous sert à faire nos formulations. dans les usines Carbios avec Julien, technicien. L'extrudeuse, c'est assez simple, le fonctionnement, c'est une vis chauffée et les granulés de plastique rentrent au bout, sont fondus par l'action du chauffage et l'action mécanique des vis. Et donc avec ce doseur-là, on introduit la matière première, notre polymère de base type le PLA. Et après, avec les différents doseurs que vous avez ici, là c'est plutôt pour des poudres. Ici, d'autres polymères pour faire des mélanges. Et derrière moi, des liquides où on peut introduire des plastifiants, des choses comme ça. Du coup, à l'intérieur de cette machine, on fait notre recette entière avec les différents composants, enzymes, plastique, polymère, additifs tels que plastifiants pour certaines autres applications. Au bout, on sort un jonc. Donc c'est un petit tube complet qui est refroidi dans le bac de refroidissement avec de l'eau. Et au bout, on le granule en petits granulés de taille standard, matière plastique. Et là, vous avez le polymère formulé qui sort prêt à être utilisé dans d'autres appareils tels que celui-là. Ça sert à faire des sacs plastiques. Exactement. Alors, à titre tout à fait personnel, d'abord, j'ai peut-être pas un très bon exemple, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un groupe français qui s'appelle Roquette et qui est un des leaders mondiaux de l'amidon. L'amidon, c'est un peu biosourcé, c'est un peu biodégradable. Et en 79, quand je suis rentré comme ingénieur chez Roquette, là-haut dans le Nord, mon premier job, c'est, qui m'a été demandé en recherche, c'est de faire des sacs plastiques en amidon. Alors, si j'avais été brillant en recherche, ça se saurait, parce qu'on ne serait pas en train de se poser la question de l'environnement. Mais j'ai été effectivement très sensibilisé d'entrée par ces problèmes environnementaux. Et chez Roquette, c'était, je dirais, monnaie courante de penser environnement et autres. En 79. Après, quand j'ai rejoint, enfin quand on a créé Carbios, un autre événement, mais sur lequel je vais rester un peu discret, mais je suis Marseillais. Tout Marseillais aime bien avoir un bateau. Mais on aime bien aussi la Méditerranée, et on dit la belle bleue. Elle est de moins en moins belle et de moins en moins bleue. Et notamment quand on réfléchissait à la création de Carbios, enfin à ce que Carbios devrait faire, ben, on a réfléchi au soleil dans le midi, plutôt qu'ici. Et au pied de mon bateau, il y a un sac plastique qui est passé. Et là, on a dit, c'est insupportable. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une solution. Donc là, on a toujours notre activité. Alors, on fait également des sacs congélation. Louis Leblanc. Donc, comme c'est des sacs alimentaires, c'est évidemment 100% à base de matière vierge. On fait également des sacs de congélation pour la grande distribution. Donc, les sacs que vous pouvez trouver partout. Là, c'est la dernière des sacs bio qu'on réalise. C'est la dernière machine qu'on vient de rentrer, qui a 3 mois, et on va aller voir le pôle bio là-bas. Lorsque j'ai posé la question à nos chercheurs, dans notre laboratoire, je leur ai dit quel est le problème des plastiques. Ils me disent, c'est connu, c'est le continent de plastique dans le Pacifique, etc. Je dis, alors, et si on trouvait un plastique, si vous trouviez un plastique qui disparaît dans 6 mois, qui ne soit pas toxique, qui soit absorbé par les tortues, etc. Il me dit, ça c'est impossible, ça ce que ça aurait. Et si je vous donne un bonus, une prime de temps, alors c'est possible. 5 ans après, nous l'avons sorti. Et nous le sortons en septembre, nous serons prêts, nous avons fait tous les essais possibles et imaginables, nous avons pris tous les laboratoires extérieurs, aussi bien japonais que français, etc., de manière à voir non-toxicité, dégradation complète du produit. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que ce produit-là, pas comme certains produits qui disparaissent en 5 minutes, tient à la pluie pendant au moins 3-4 jours, car il n'y a pas de bactéries dans la pluie. Et ce sont les bactéries de la mer, les bactéries de l'océan qui le détruisent. Donc c'est dans la mer qu'il va disparaître, c'est dans les rivières qu'il va disparaître, parce qu'il y a des bactéries là. Et il est mangé, il est aussi compostable, si on le met dans la terre, il disparaît aussi au bout de 6 mois. Donc c'est un produit qui a les deux effets, à la fois il est biodégradable et il est dégradable dans hydrodégradable, là où il y a des bactéries, c'est-à-dire dans les rivières et dans la mer, mais pas à la pluie. Il s'appelle Océanide. C'est une des nymphes de l'océan. C'est un joli nom. que le consommateur, enfin le distributeur, fait aussi lui aussi de son côté un effort important dans la réduction des emballages. Et il demande qu'on ait soit qu'on travaille avec des cartons FSC ou des cartons ou des emballages recyclés. Et ils ont aussi fait disparaître tout le surplus de plastique ou d'emballage qu'il pouvait y avoir. Il a fallu du temps pour mobiliser les chefs d'entreprise à tout ça. Oui, enfin nous on était prêts. Hein. Ensuite, si vous voulez, il fallait qu'il y ait aussi une demande un peu toujours pareille des consommateurs, parce que le consommateur aujourd'hui, quand il y a trop d'emballage, il le signale, il dit ça sert à quoi. Enfin, il y a une réelle prise de conscience, et il y a aussi maintenant tout leur système de qualité, aussi les nouveaux contrôles, enfin les nouveaux ingénieurs qualité, ils ont comme mission de réduire les emballages, de faire attention au vide, de réduire le carton, de voir comment on peut le recycler. Donc si vous voulez, il y a vraiment une machine qui maintenant s'est mise en route à ce niveau. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui vous a obligé à changer, sinon vous perdiez des marges? On ne perdait pas de marge, c'est pas une question de marge, c'est une question que le consommateur veut acheter de plus en plus des produits, si vous voulez, qui lui ressemblent, donc dans son acte d'achat, c'est-à-dire écologique, et il ne vient pas polluer, ou qu'on n'ait pas des emballages excessifs qui ne servent à rien. Le capitalisme, c'est très bien utiliser les idées les plus radicales qui sont développées contre lui à son propre avantage. Ça, c'est évident. Catherine Malabou, philosophe. Donc, on doit être capable de penser, un, qu'il faut trouver une autre idéologie que celle du remplacement, mais aussi de savoir que le capitalisme l'utilisera. Parce que ce que je vous dis là, c'est aussi le discours du capitalisme aujourd'hui, qui est, attention, il faut changer de comportement, etc. Hein, la frontière entre moi, ce que je dis comme philosophe, et ce que disent les dirigeants, elle est très mince. Hein, puisqu'on entend, on est complètement dans cette contradiction qu'on est dans une course effrénée au profit, et en même temps que ce sont ces mêmes industriels ou ces mêmes hommes politiques qui nous disent « attention, changez de comportement ». Donc j'ai bien conscience, en vous parlant comme je vous parle, que tout ce que je dis peut être récupéré. Vous voyez ? Donc il faut trouver, la stratégie en fait elle est double, trouver, penser conceptuellement, comment sortir de l'idéologie du substitut, ça, c'est très important, sans retomber dans une nostalgie de la nature, mais en même temps faire en sorte que le capitalisme ne l'intègre pas aussitôt. Donc il ne faut pas croire que les idées philosophiques n'ont aucun effet sur le développement du capitalisme. Je m'appelle Alain Marty et je suis le directeur scientifique de Carbios depuis maintenant 4 ans. Alors dites-moi, on est venu vous voir ici à Riom. Racontez-moi ce que vous avez véritablement créé comme innovation et à quoi ça sert. Donc l'idée de Carbios, c'est de prendre un plastique qui est un polymère. Un polymère, c'est un peu comme un collier de perles. Donc le PET, il est constitué de deux perles, on va dire une bleue, une rouge alternées. Et l'innovation de Carbios, c'est d'avoir trouvé un ciseau très efficace de manière à couper ce collier de perles, ce polymère, pour revenir aux perles, donc aux monomères. Et ici, donc, nous sommes dans le laboratoire de développement où on va mettre au point le procédé de dépolymérisation grâce à ces enzymes. Alors, une enzyme, c'est aussi un polymère, c'est une protéine qui a un pouvoir catalytique. Donc, pour parler en mots plus simples, c'est comme un petit ciseau moléculaire. Et dans toutes nos cellules, on a des milliers d'enzymes qui aujourd'hui catalysent ce qui est la vie, qui catalysent toutes les réactions dont on a besoin dans une cellule, que ce soit chez la bactérie, chez la plante ou chez l'humain. Et donc nous, on a trouvé une enzyme qui est capable de dégrader le PET. Cette enzyme, elle n'était pas parfaite, donc la grosse partie de notre savoir-faire, c'est d'avoir su optimiser cette enzyme juste pour que le ciseau soit beaucoup plus efficace et coupe beaucoup plus vite le plastique. Alors pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que vous fabriquez un objet en plastique, on va prendre un sac par exemple, et vous dites que ce sac est biodégradable à 100% en 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Plus de microplastique, plus rien qui puisse aller dans les airs et polluer autre chose, plus rien qui peut rentrer dans la terre, dans la nappe phréatique, il n'y a plus rien. Donc pour rendre un sac plastique biodégradable, l'invention de Carbios, c'est d'inclure une enzyme de dégradation au sein de ce plastique. Et après, si ce sac plastique se retrouve dans votre compost ou malheureusement dans la nature. Celui-ci, grâce à l'action de l'enzyme, va se biodégrader. On va revenir au monomère constituant ce plastique. Dans le cas qui nous intéresse, c'est du polylactique acide, un plastique qui s'appelle du PLA, dont on peut faire par exemple des sacs de caisse ou des petites fourchettes et cuillères. Et l'enzyme va revenir au monomère de ce plastique qui est unique, ça s'appelle l'acide lactique. L'acide lactique, c'est un composé non toxique et tous les micro-organismes de votre compost ou du sol seront capables de dégrader cet acide lactique. Et finalement, à la sortie, il ne restera absolument rien de votre plastique. Il n'y aura absolument pas de micro-plastique. On aura détruit tout le plastique que les micro-organismes, à la fin, auront ingéré. Ça, c'est quand le sac se retrouve dans un compost ou dans la nature. Ça se provoque comment l'action de l'enzyme? Par exemple, si mon sac plastique, il est sous mon évier dans un sac où je collectionne ou les sacs plastiques. Alors, pour que le plastique se dégrade, il faut deux acteurs. Il faut le ciseau, donc qui est l'enzyme, mais il faut aussi de l'eau. Sans eau, cela ne fonctionnera pas. Donc, ça veut dire qu'au stockage, ces plastiques sont très stables. Et ce n'est que quand ils vont se retrouver dans un environnement humide que le ciseau va pouvoir commencer à agir. Là, on fabrique artificiellement une enzyme qui va manger, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, manger le plastique. Alors, pas tout à fait. Au début du processus, ce qu'a fait Carbios, c'est de chercher des micro-organismes capables de dégrader des plastiques. Ah, des micro-organismes qu'on trouve dans la nature Des micro-organismes que l'on a trouvés dans la nature. Alors, on a utilisé deux stratégies. Une première stratégie, ça a été d'aller sur des sites pollués en plastique, donc des décharges par exemple, de récupérer un kilogramme de terre et puis d'isoler les micro-organismes et de les cribler pour les capacités à dégrader un plastique donné. Une autre stratégie, on a fabriqué des terreaux avec une ambiance en termes de température et d'humidité contrôlée, dans lequel on a mis des petites cartes, comme des petites cartes de crédit en PET ou en PLA, et on les a laissées un an dans ces terreaux, et on a récupéré ces cartes, et on a récupéré les micro-organismes attachés à ces cartes, avec l'idée que s'ils y étaient, c'est qu'ils y avaient un intérêt et qu'ils étaient capables de dégrader la matière. Pour qu'on comprenne bien, on lit beaucoup de choses dans la presse. Alors on lit que un sac ne peut pas se biodégrader totalement parce que faut des conditions atmosphériques et de température qu'on ne trouve pas à l'état naturel. On peut lire que effectivement on utilise du maïs ou pour fabriquer des sacs plastiques, mais que les produits qu'il faut rajouter au maïs, eux, ne sont pas biodégradables. Alors qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut entendre et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors la stratégie de Carbios, ça a été de dire, aujourd'hui il y a une industrie du plastique qui existe, le PET ça existe, toutes les bouteilles d'eau sont en PET aujourd'hui, et donc on ne va pas essayer de trouver un nouveau plastique, ce qui aurait pu être une autre stratégie, un plastique biosourcé, biodégradable. Nous on part de plastiques qui existent, qui ont une efficacité démontrée, et c'est ces plastiques-là que l'on essaie de recycler. Biodégradable, ça veut dire quoi finalement, biodégradable? Alors, biodégradable, ça veut dire que la biologie, donc les micro-organismes, pourront dégrader ce plastique jusqu'à la forme ultime, qui sera la production de CO2 et d'eau. C'est-à-dire que quand on dit qu'un produit est biodégradable, on part du principe qu'il n'est absolument pas polluant et que de ce produit, il ne restera rien, uniquement grâce à l'effet de la nature. Très exactement. Alors aujourd'hui, on peut faire par exemple des sacs plastiques à partir de produits effectivement biosourcés, naturels, tels que de l'amidon, ou avec des plastiques tels que du PHA, c'est un polyhydroxyalkanoate, mais qui sont aujourd'hui des plastiques très onéreux. Mais alors l'amidon de maïs, c'est ça? Oui, l'amidon de maïs par exemple, oui. Alors, si on fabrique un sac à partir d'amidon de maïs, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sac est biodégradable. Alors le problème, c'est d'avoir des caractéristiques après techniques compatibles. L'amidon de maïs est parfaitement biodégradable à 100%, sans aucun problème. Mais la difficulté, c'est d'être capable de faire un sac avec des caractéristiques mécaniques suffisantes pour correspondre à une application donnée. Alors, pour poursuivre dans la compréhension, vous me dites que donc l'amidon de maïs ne suffit pas en tant que tel à fabriquer un sac. Il faut rajouter un certain nombre de produits pour que, mélangé à l'amidon, on puisse fabriquer un sac. Par exemple, il faut rajouter du PLA pour lui donner les bonnes propriétés mécaniques. Et là, donc, se repose le problème. La partie amidon va se dégrader, mais pas la partie PLA. Et donc, il faut utiliser la technologie Carbios pour que le sac dans son ensemble se dégrade. Ça veut dire que Carbios, ce sont les seuls à faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau procédé que Carbios a inventé, qui n'existe pas ailleurs. Alors, pour ce qui est des sacs plastiques, aujourd'hui, la technologie de Carbios, c'est la seule qui permet de garantir d'avoir un produit hautement biosourcé et totalement biodégradable. Ça veut dire que quand une publicité X ou Y utilise pour des questions marketing le terme de biosourcé ou le terme de biodégradable ou le terme de désormais c'est un produit propre qui ne va pas abîmer l'environnement, tout ça c'est des arguments marketing, mais il n'y a rien de réel derrière tout ça. Alors moi je n'irai pas jusque là en descendant mes collègues. Il existe des solutions certainement intéressantes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui les sacs qui existent sur le marché, ils vont être soit biosourcés soit biodégradable. Aujourd'hui, il n'existe pas de technologie pour avoir un sac à la fois hautement biosourcé et biodégradable. Et je pense que la technologie Carbios est la seule qui permet d'avoir ces deux volets. Mais pour que je comprenne bien, vous dites il y a les sacs biosourcés et les sacs biodégradables. Encore une fois, biodégradable, ça ne veut pas dire qu'il reste rien à la fin. Si, pour qu'un sac soit biodégradable, il faut qu'il ne reste rien à la fin. On a affaire à une matière qui ne disparaît pas. On a beau l'enfouir, on a beau le brûler, on a beau dire qu'il est biodégradable. En fait, un plastique biodégradable, il met des milliers d'années avant de disparaître complètement. Alors, vous disiez que la plasticité a différentes époques. On en est où aujourd'hui ? Il y a eu effectivement de nouvelles matières qui sont arrivées, en particulier les nanoparticules, hein, les nouvelles résines, etc. Il y a eu énormément de raffinement dans la production des plastiques. Et puis aujourd'hui, écoutez, c'est un petit peu comme le Brexit. Hein, alors que c'est le chaos. Bon, on essaye d'en sortir, on ne sait pas comment. J'ai un peu travaillé récemment là, sur les plastiques qu'on dit biodégradables. On fait la différence biodégradable, biosourcé. Mais tous les biosourcés ne sont pas biodégradables. Tous les biodégradables ne sont pas biosourcés. Écoutez, c'est un petit peu le bazar, quoi. Alors nous, on a voulu vous voir, Virginie Leravalec, parce que quand on a appelé l'ADEME pour savoir qui serait à même de parler du plastique, on m'a dit faut vous appeler vous parce que vous êtes la spécialiste du plastique. Ça veut dire quoi être spécialiste du plastique ? C'est quoi votre métier ? Alors je ne suis pas spécialiste du plastique, mais du plastique biosourcé. Alors biosourcé, ça veut dire quoi ? Biosourcé, c'est la matière première. C'est issu du vivant, issu de la biomasse. Biodégradable. Donc comme l'indique l'étymologie du terme, biodégradable, dégradé par du vivant. Donc ça n'a rien à voir avec la matière première, c'est juste une propriété en fin de vie qui est d'être dégradé par du vivant. Oui, parce que la confusion, c'est de considérer que parce qu'un sac serait biosourcé, il serait biodégradable. Absolument, donc ça c'est totalement faux, c'est pas parce qu'il est biosourcé qu'il est forcément biodégradable. Mais il peut l'être ? Absolument, il peut l'être, tout à fait. Il n'est pas forcément biodégradable, mais il peut l'être. De même qu'un polymère, un plastique issu du pétrole, peut être tout à fait biodégradable. Pour être précis, biodégradable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même les microplastiques disparaissent ou c'est pas possible ? On n'en sait rien encore, mais... Effectivement, il y a une problématique microplastique, macroplastique sur les plastiques en général. Après, sur les biodégradables et compostables, je ne peux pas vous répondre pour le moment. C'est quoi un microplastique et c'est quoi... Parce qu'on parle des définitions, donc... Un microplastique, c'est un plastique d'une taille microscopique, donc qui va être de l'ordre du micromètre. Donc c'est vraiment des tout petits plastiques qui sont non visibles à l'œil nu. Les macroplastiques, pardon, c'est des plastiques donc de taille macro qui vont être beaucoup plus gros. Enfin, c'est des morceaux de plastique en fait qui vont être visibles à l'œil nu. Donc, quand il y a des microplastiques, on a l'impression que le plastique s'est complètement dégradé. En fait, il y a des microplastiques qui vont rester, qui vont s'accumuler dans les milieux, que ce soit marin ou sol. C'est le temps de quoi ? C'est le temps des ans, le temps des îles. Le temps des mots, le temps des enzymes, le temps des enzymes, c'est bien légitime. Dans ta cuisine ou dans ta machine, là vont les enzymes. En randonnion, dans ton savon, les enzymes mangeront des œufs, du saint et du gazon. Et vous, madame, que pensez-vous des enzymes? L'idée de Carbios, c'est de prendre un plastique qui est un polymère. Un polymère, c'est un peu comme un collier de perles. Donc le PET, il est... La grande quête aujourd'hui, et celle vers laquelle cherche à aller cette société, c'est de trouver des micro-organismes, donc on ne va pas les appeler des microbes, mais des micro-organismes qui, eux, ont ces capacités enzymatiques, donc ils ont ces petits ciseaux moléculaires, pour aller s'attaquer de façon sélective sur certaines fonctions chimiques à l'intérieur. Alors là, il se trouve que l'on parle d'une matière plastique, mais on pourrait imaginer d'autres matières plastiques. Et donc, c'est l'utilisation, finalement, de la biologie, de la chimie du vivant, pour pouvoir couper en tout petits morceaux ce long spaghetti que sont les polymères. Et comme c'était très bien expliqué, on va couper en fait entre les petites perles pour pouvoir les fabriquer après. Alors, le principe, il existe. Je dirais que c'est une méthode qui est utilisée dans d'autres industries, l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou quand on veut faire des molécules qui coûtent un peu cher. On utilise ces procédés-là parce que le rendement est pas très... c'est quand même à partir de essentiellement d'éléments vivants, donc ça n'a pas la productivité d'une grosse usine qui utilise de la vapeur, etc., etc. Donc les productivités sont un peu plus faibles, sont des processus qui sont en revanche un peu plus doux pour l'environnement, consomment moins d'énergie, un peu moins d'eau, etc. Donc ça peut être une voie de recyclage chimique qui est intéressante, mais seulement c'est énergivore. Il faudrait un produit qui se délite dans la mer, dans les rivières, soit absorbable par les poissons et au bout de 6 mois, est disparu. On y arrivera, j'en suis certain. Alors, c'est un inventeur. Alors, j'imagine, alors je ne suis pas un spécialiste des milieux marins, mais effectivement, la mer héberge une certaine faune et parmi cette faune, il y a effectivement des petits animaux, des micro-organismes de la même façon. On peut imaginer, par exemple, que ce plastique dont parle ce monsieur pourrait être de l'amidon. Hein, imaginez l'amidon, vous le travaillez, vous lui donnez la forme que vous voulez, vous le chauffez. Donc l'amidon, c'est la matière blanche qu'on peut extraire de la pomme de terre, du maïs, etc. Et effectivement, il peut résister un peu quelques jours à la pluie. Il va résister, il ne va pas être très beau, mais il va résister. En revanche, si vous le mettez dans un environnement où il y a effectivement des bactéries, des moisissures, des champignons, des levures qui, elles, apprécient l'amidon, elles vont le décomposer, s'en nourrir, et après, il n'y aura plus. Et en général, on a besoin d'un peu de température, ça se fait pas à moins 20 degrés. C'est même mieux à 50 degrés dans certains cas, mais là, ça peut se faire à température ambiante. Et l'ambiance n'est pas la même en Suède et au Brésil. Et dans des conditions d'humidité qui sont nécessaires, aussi nécessaires, pas seulement parce que ça va réagir avec le plastique, mais parce que les micro-organismes, dans l'immense majorité des cas, ont besoin d'eau pour survivre. Faut rester conscient que derrière tout ça, il y a quand même des gestes civiques. On a certainement des velléités de vouloir proposer des procédés qui vont résoudre des problèmes, mais je pense que proposer en Europe un procédé pour mettre au point une matière plastique qui sera, disons, digérée par la mer, me semble pas économiquement pertinent. Même, je vois pas qui serait intéressé par ça. Donc c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire que c'est à nous de réinventer une plasticité. Hein, c'est à nous de changer de comportement. On ne peut pas continuer à attendre de la matière et de l'industrie qu'elle nous propose de nouveaux produits qui vont miraculeusement remplacer le plastique qu'on a connu, les plastiques qu'on a connus, parce que précisément, notre problème, c'est qu'on est en train d'en crever. Voilà. Les animaux sont empêtrés là-dedans, les océans sont... Voilà. Donc, il n'y aura pas de produit miracle. C'est à nous de changer nos comportements. Vous dites c'est toujours les hommes qui ont inventé et les matières plastiques n'y sont pour rien. Je crois que c'est un rapport, on va dire, dialectique entre l'homme et la matière. C'est pas seulement L'homme est plastique, il invente des matériaux qui n'ont pas d'action en retour sur lui. Je crois que quand je parle d'une nouvelle plasticité, c'est sortir peut-être d'un certain rapport à la matière. Les sacs en plastique, c'est pas fantastique, d'après l'UE. Une directive de 2015 oblige les pays à prendre des mesures pour en réduire l'usage. Chaque habitant devra utiliser moins de 40 sacs par an à l'horizon 2025. Une des stratégies adoptées, notamment en France, c'est de les rendre payants. Plus aucun sac plastique gratuit en caisse de supermarché depuis 2016. Seulement des sacs payants et réutilisables. Et depuis 2017, ce sont des sacs en papier ou biosourcés qui sont mis à disposition pour les fruits et légumes. Résultat, une baisse notable de l'utilisation. Pas encore de bilan chiffré en France, mais ça représente au moins 50% à l'échelle de l'Europe. Notre pays imaginait aller plus loin en interdisant les pailles, touillettes et autres assiettes en plastique jetables l'année prochaine. Finalement, la France s'est alignée sur l'échéance européenne 2021. Une dizaine de produits à usage unique seront interdits. C'est un grand pas pour l'écologie. Aujourd'hui, ces produits représentent pas moins de 70% des déchets qui échouent dans la mer. Ce petit homme qui se promenait avec ses sacs plastiques, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, compte tenu de l'actualité du plastique ? Ce personnage qui était peut-être, il y a 10 ans, un peu insouciant, Pascal Desrousseaux, se préoccupant finalement assez peu des autres et du regard des autres, aujourd'hui, on viendrait à se tourmenter lui-même. Il pourrait voir que ce sac plastique comme une sorte de d'aiguillon personnel au tourment, et donc ça ajouterait finalement de la complexité et de la noirceur à ce personnage. Et donc, ça deviendrait un personnage qui peinerait à exister. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait pas renier son identité d'homme au sac plastique. Et en même temps, ça lui ferait un tourment supplémentaire dans l'existence. 10 ans après, on a sans doute une vision un peu plus nostalgique de ce personnage, parce qu'on sent que c'est un attribut qui n'a pas trouvé sa place dans le monde, faut bien le dire, qui est combattu. Et donc, à ce titre-là, ce personnage, il apparaît en partie déjà daté, il apparaît un peu condamné par l'histoire. La leçon de tout ça, c'est quand même de se dire qu'aujourd'hui, ce qui triomphe sur les épaules des femmes et des hommes, c'est ce qu'on appelle le tote bag, hein, vous savez, donc c'est la fétichisation d'un objet, c'est l'antithèse parfaite du sac plastique qui, lui, était un objet de grande simplicité, c'est pas quelque chose qui s'affichait comme un accessoire de mode. Donc du coup, triomphe du tote bag, déclin du sac plastique, et donc ce personnage, il apparaît comme un peu sorti de l'histoire. Alors si on devait en faire un personnage plus contemporain, ce qui serait intéressant, c'est de considérer aussi que ce sac plastique, c'est le quotidien de la mauvaise conscience du petit homme, puisqu'après tout, se promener tous les jours avec le mal que l'on incarne en tant qu'être moderne, c'est peut-être intéressant. Moi, je crois qu'il réclamerait de l'amour pour ce sac plastique, de la considération, parce que je crois que sur un plan esthétique, sur un plan vestimentaire, peut-être que les créateurs de mode s'en sont beaucoup trop peu préoccupés de ce sac plastique, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que ça reste encore l'objet qui manque dans la panoplie de l'homme ou de la femme qui se promène dans la rue. Le tote bag est pas, vous le savez bien, l'instrument le plus indiqué. Vous avez des épaules tombantes, le tote bag tombe. Vous portez un sac à dos, vous avez un air bossu. Donc tout ça n'est pas très élégant en vrai. Et après tout, le sac plastique, il a une couleur et il a aussi un son. Hein. Vous voyez ce son-là assez particulier du sac plastique quand vous l'avez entre les doigts. Et même la douceur du plastique, c'est finalement quelque chose qui manquerait si le sac plastique venait définitivement à disparaître. Là, vous allez vous faire plein d'ennemis en disant ça. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut préserver ce type de sac de manière évidemment raisonnable, hein, parce que on n'a sans doute rien trouvé de mieux, en tout cas pour des gens qui ne sont pas suffisamment préparés, précautionneux, qui n'importent pas des bocaux pour les remplir dans des magasins bio. Bon, c'est un choix totalement estimable, évidemment, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça humainement. Il y a des gens qui sont beaucoup trop imprévoyants, et à ce titre, je pense qu'il y aura toujours une petite place en marge pour le sac plastique. Il faut réclamer un droit à la marge pour le sac plastique. C'était une de ces journées grises où il va se mettre à neiger d'une minute à l'autre. qu'il y a comme de l'électricité dans l'air. Tu peux presque l'entendre. Tu vois ? Et ce sac était là, en train de danser avec moi, comme un enfant qui m'invitait à jouer avec lui. Pendant 15 minutes. C'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Au-delà de l'univers, plus loin que la vie. Je sentais cette force incroyablement bienveillante qui me disait qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Jamais. On est là à un moment où c'est très intéressant de voir qu'en Europe, on a dit on ne veut plus de sacs en plastique de sortie de caisse, ce qui n'aura aucun effet sur les problèmes dans les océans, il faut le savoir. Mais ça a le mérite de faire prendre conscience aux gens que finalement, on utilise des matériaux, dans certains cas, qui ne sont peut-être pas les bons. Et notamment dans toutes les utilisations court terme, on parle des plastiques jetables, effectivement, est-ce que c'est bien, mais est-ce que le papier jetable, c'est mieux ? Voilà. Ou le verre, il est consigné, mais souvent il est jetable. Donc je pense qu'il y a des vraies questions que ceux qui nous proposent des produits dans les supermarchés ou sur les marchés, ce sont des questions auxquelles ils doivent vraiment réfléchir sur la façon dont on peut emballer. Parce qu'elle est là, la question. Ce sont des produits qui ont des utilisations de quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que je dois utiliser comme matériau pour emballer mon lait, ma viande, mon poisson, etc. Avec cette, on va dire, cette marée des matières plastiques, effectivement, on a eu du mal à l'arrêter. Bon, on s'est dit, c'est facile, on va l'emballer avec ça, et puis voilà. Sans trop se poser de questions, parce que c'est facile. C'est vrai que si vous achetez votre poisson, que votre poissonnier vous l'emballe dans du papier, ça durera un peu moins longtemps que si vous l'achetez au supermarché, emballé entre du polystyrène, une feuille de polyéthylène qui est soudée dessus dans une atmosphère neutre. Vous pouvez garder le poisson 3-4 jours. Alors, on veut le garder 3-4 jours ou pas ? Et puis, on ne se pose pas trop de questions sur le après. Qu'est-ce que ça devient ? Bon, on le met à la poubelle. Et en fait, aujourd'hui, on doit vraiment se poser la question. Donc, on arrive à une phase de maturité, je trouve, qui est intéressante. On se pose la question sur est-ce que le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, le PET, etc., ce sont les bonnes matières plastiques à utiliser dans tel ou tel cas. Et ça, c'est une vraie démarche de designer, hein, donc de conception de l'objet pour qu'il ait la fonction à laquelle on s'attend. Et aujourd'hui, on a tendance, heureusement, à intégrer la fin de vie, ce qu'on faisait pas il y a 10 ou 20 ans, pas du tout. Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent. De la République à lundi de septembre à 18h30, les voitures n'avancent pas, le soleil a mis son pyjama rouge. C'était Un Monde en Plastique, le triomphe du jetable, avec Richard Thomeray, Catherine Malabou, Alain Marty, Virginie Leravalec, Louis Leblanc, John Persanda, Julien, Jean-Claude Lumaret, Pascal Desrousseaux et Philippe Chalmin. Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent. Un Monde en Plastique, le triomphe du jetable, réalisation Somanina. Mixage Alain Joubert, Archivina Sophie Enoch, coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter sur le continent de plastique, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Aboulivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et demain, dernier épisode, l'hypocrisie du greenwashing. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Plastico de Cicel Morel-Dargis, un documentaire consacré à deux démarcheurs de Tupperware à Cuba. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.